Genesis est disponible maintenant en CD, en vinyle puis en ligne. Objectif? Objectif. 42 000 $. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Le Radiothon de CKRL aura lieu le 31 mars et le 1er et 2 avril prochain. Faites un don de 20 $ et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25 $ avant le 31 mars 17 h. Et vous pourriez gagner le prix spécial prix Radiothon et le prix membre. Notre objectif? 42 000 $. Pour renouveler votre carte ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e Avenue entre 9h et 17h30 au 88 640 2575 poste 201 ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. .qc.ca. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical et Marc Chaunet à l'animation pour un bon 2 heures de rock progressif avec beaucoup de progressants et la plupart sont des disques parus là en 2016 et qu'on aime, mais d'ailleurs il va y avoir quelques-uns des groupes qu'on pourra voir cette année en spectacle à Québec et on va en parler des spectacles tantôt là qui s'en viennent au mois de mars. Il y a le prochain spectacle, c'est le groupe de Québec Red Sand le 16 mars, c'est au Centre d'art de la Chapelle. Ils viennent présenter 1759, leur nouvel album. Également, le 24 mars, il y a la capitale du prog qui présente un hommage à Peter Gabriel. Ensuite, au mois d'avril, il y a IQ. En fait, au mois d'avril, il y a deux groupes qui sont présentés, là, qui sont de la vague des années 90. IQ, donc, du Royaume-Uni. Et le 8, et également, il va y avoir Anglagarde de la Suède. Là, ça, c'est du prog pas mal plus moderne, moins dans un style néo là, par rapport à IQ, évidemment. Et ensuite, ben, au mois de mai, il y a le Festival Terra Incognita. Et justement, on aura... au moins trois groupes qui seront du Festival Terra Incognita qui joueront un peu plus tard dans l'émission. Universe Effect, un groupe de Québec. Il y aura également Hidden Song des États-Unis et Glasshammer des États-Unis. Ça, c'est le 20 mai. Et le 21 mai, Il Paradiso degli Orchi de l'Italie, Comedy of Errors, qui sont du Royaume-Uni, et Host Sonaten avec Fabio Sofanti, également de l'Italie. Et le spectacle supplémentaire qui s'est ajouté le vendredi, Yes Songs, hommage à Yes, avec un groupe de musiciens professionnels de Toronto. Alors, les billets sont en vente. On va débuter ce soir avec La Boca de la Verita, qui est le coup de cœur de beaucoup pour les albums de 2016. Et on a reçu toutes nos copies, puis c'est super bon. C'est un album concept, Avenot, Et on écoutera ce soir, pour débuter l'émission, La Deportazione degli Avenotiani. Pour débuter, on aura également ensuite de l'Italie, The Rome Project, leur plus récent album Of Faith and Glory, avec la très belle pièce Seven Hills and a River. On aura également Universe Effects, tiré de leur album In the Haze That Surrounds Us, la pièce Out of the Darkness. On aura également de la Grèce, Verbal Delirium, tiré de The Imprisoned Worlds of Fear, Worlds of Fear et la pièce In Memory. Et on aura également Glasshammer de Valkyrie et la pièce Golden Years, mais tout d'abord La Bocca della Verità. We'll be right back. by my side. We feel our demons disappearing. Nobody hurt, nobody cried. It's a turning of the tide, a calling of a rightful being. Oh. Oh.

You start to pull the clothes onto a side, and the sound of singing turned them both around, and it broke the spell to show you how the man. Thank you. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Même si cela doit se voir, je vous propose de l'écouter. Radio de Donf, notre objectif, 42 000 $. À quoi tu penses? Donner Radio de Donf. À quoi tu penses? Donner Radio de Donf. Notre objectif, 42 000 $. À quoi tu penses? Donner Radio de Donf. À quoi tu penses? Donner la fin de semaine du 31 mars. Voici une suggestion de nouveauté à ajouter dans ta playlist. La voix de ton GPS, c'est celle de Walt Disney. Ton instinct, c'est... Essaye Chevy Chase, le deuxième album de Rouge Pompier. Mersol volume à 11, puis va voir leur clip sur YouTube. Chevy Chase est disponible maintenant, en CD, en vinyle, puis en ligne. Un 5 à 7 à la Ninkasi, c'est une rencontre entre amis, un rendez-vous entre collègues, un événement important à souligner ou tout simplement un moment à savourer. La Ninkasi, c'est de l'espace pour les groupes qu'on peut réserver, un support technique de qualité, une ambiance feutrée et une terrasse chauffée. Un 5 à 7 à la Ninkasi, pour goûter une sélection de produits québécois. 26 bières en fût et de la nourriture en tout temps au menu. La Ninkasi, complice depuis maintenant 10 ans. 811 rue Saint-Jean, ninkasi.ca. À ne pas manquer sur la fabrique culturelle... Laissez-vous entraîner avec Coach de vie, œuvre soutenante offerte gracieusement par Gab Paquet. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Salut, c'est Julien du groupe Olinéa. Au début, on hésitait à t'appeler notre album Incandescence d'un avenir incertain ou bien Pleine lune d'automne, volume 3. On voulait aussi rendre notre album disponible seulement en 8 tracks, seulement chez les disquaires indépendants. Mais on a changé d'idée. L'album d'Olinéa s'appelle Olinéa, puis c'est disponible partout. Vous écoutez CKRL HD, une radio haute décibel. Mais haute décibel, certains, hein, on ne gêne pas pour vous faire jouer de la bonne musique. Vous avez peut-être reconnu Glasshammer, Valkyrie, quoique dans cette pièce-là, là, Glasshammer se réinvente. Golden Days, donc, c'était la pièce. Glasshammer qui seront ici à Québec le 20 mai prochain dans le cadre de Terra Incognita. Il y aura également ce soir-là Eden Song, dont une pièce jouera tout de suite après mon intervention. Et également Universe Effects. Donc, on a eu avant Verbal Delirium, tiré de The Imprisoned World of Fears. Ça, c'était de la Grèce, la pièce In Memory. On a vu justement Universe Effects, tiré de In the Haze That Surrounds Us, la pièce Out of the Darkness. Et on avait eu deux Italiens pour débuter, The Rome Project et La Bocca della Verità. Et L'Avocat de la Vérité avec Avenot. Et The Rome Project, c'est une pièce sur laquelle il y a Franck Carducci, qui est un bassiste français. Alors, on poursuit en musique avec, comme je le disais, ah oui, je parlais des spectacles. Il y a Il Paradiso de Gliorchi le 21 mai, avec Comedy of Errors et Ost Sonaten, avec Fabio Zuffanti, Terra Incognita. Le 5 mai, Anglagarde. Et le 8 avril, IQ. Ensuite, le 24 mars, l'hommage à Peter Gabriel et Red Sun, le 16 mars à La Chapelle. Mais c'est les spectacles qui s'en viennent. Nous, en musique, on a Eden Song, donc tiré de Years in the Garden of Years, la pièce The Atman Apocalypse. Ensuite, Richard Schoblum. Là, je me rends compte que ce soir, là, Bruno, c'est son top des parutions 2016 avec tout ce qu'on a eu juste avant et ce qui continue avec Eden Song et Richard Schoblum, tiré de The Unbundable Sleep, Rhyme and Reason. Ensuite, on aura La Mascara d'Ichera. Ça, c'est, je pense, c'est leur meilleur disque, Lux AD. C'est paru en 2006, c'était leur troisième disque et il y a des superbes pièces sur ça, dont la Encyclica 1168, je sais pas comment ça se dit en italien. Là. Pour ce soir, ça va être en français. Et ensuite, il y aura également le groupe français, justement, Cultivator, qui était paru en 1980, mais ça a été réédité là, l'année passée, de Bando Menz Stigar. Mais tout d'abord, Eden Song. Too late. This ancient heart's not forgiving. but this day is cold. Oh, it's so strange that it's happening again. Our silence woke the east. Thousands thought dead are marching again. A cycle of hate. Stupid is the human race. Our silence woke. Slow down and open your mind. Stand up and look at the world. Stand up just because you can. I'm beginning to you. Perdono

venivo a ver solo amor, cercando di capire ciò che ormai potesse verso un nuovo rifugio. voce cadono solo dai rami bagnati. Dissetata la terra, veste a festa negli specchi del sole. We'll be right back. la finestra e guardò. Vide rosso di sangue il cielo. Di tutto l'universo, ma non di lui il riflesso. Le groupe italien La Maschera di Cera, tiré de l'album Lux AD, un album de 2006, c'était la pièce Encyclica 1168. Et tout ça, c'est un superbe choix musical de Bruno. Juste avant, Richard Schoblum, The Unbendable Sleep, la pièce Rhyme and Reason, il y avait Eden Song. Et on va terminer avec Cultivator, qui est un groupe suédois. C'est paru en 81, c'est des gens qui ont été le renouveau prog de la Suède là, des années 80. Fin 70, ça sonne tellement... fin 70, ouais, vraiment c'est une transition. Vraiment excellent. On aura la pièce Grottekvarnen de Barnstommen Stigar. Barndomen Stigar, voilà. Allez sur notre site pour voir tous les détails sur ce qu'on fait jouer. Et restez les nôtres pour l'autoroute dans quelques. En fait, après la pièce avec Stéphane Villeneuve. C'était Bruno. Côté à la mise en onde, oui, choix musical. Et Marc Chaunet avec vous depuis 22 heures. On y va tout de suite en musique avec Cultivator. Bye.